bien que de réussite. Tu veux désormais collectionner que les moments de bonheur. Débrouillard dans le ghetto, on veut tous se mettre à l'abri, ça prend des risques. Parce qu'on est tous des démunis, la vie est une échelle où les uns montent et les autres descendent. Tu veux atteindre la tour Eiffel, vas-y prends des lents. Te laisse pas désabuser, relève-toi et serre les reins. Sur le banc des accusés, on y croit, du moins on se défend. Une victoire quand y'a des heureux mariés. Histoire à raconter à ceux qui te sont ressacrés. T'as décroché la fusée, destination lune de miel. Certes, félicitations, reste fier. Les courir entre amis, ici n'ont pas de prix. 10 journées ensoleillées en famille, c'est magique. Avec rien, on fait tout, c'est notre marque de fabrique. Hein. Bienvenue dans le sud, bienvenue dans mon ghetto. Du terre terre, j'ai visé la lune. Ghetto. Mais comment faire quand t'as pas de thune? Ghetto. N'attends pas qu'on donne de l'aide, faut aller au charbon. Du cœur, j'suis sur liste d'attente. Au quartier, quand il est civil, on dit au clean d'attendre. Moi, j'suis toujours en retard, même quand la miss m'attend. Moi, j'refuse pas une photo, même sous la pub attente. Et la mine, j'me fais des poudous, volant du rendu à toutou. Mes frères sont prêts à tout, savent comment finir ces poupous. J'suis mal comme ce jeune, y'a pas un qui veut toutou. Comme ce pote qui veut tout braquer, mes cales pour un rondoudou. Moi, j'évite les descentes comme les petits le 8 décembre. Mes potes, quand j'ai un bruit, ils semblent s'habiller des cendres. Rien à faire, on parle de tout, de rien de faire, mes gros canonciers. Cherche pas à t'associer, donc ne viens pas négocier. Les gars, ils savent qui on est. Marseille, c'est fille et monnaie. Postiché dans le rap, un peu comme le gang des Lyonnais. Ouais, le quartier, je l'ai sillonné. Tous les jours à la fuite d'une patrouille à sillonner. A chaque contrôle, je leur rionnais. Tu fais mec qui s'est cabré, tu fais même pas le tour du bâtiment. Tu dis qu'elle tu l'as baisé, dis-moi poteau pourquoi tu mens. Trop ozonné, ça rien dans les poches. C'est pour ça quand je vois un poteau en chien, ben je le défauche. Ok, je fais disque d'or, mais sérieux, je m'en tape trop. J'suis toujours au check dans ma tête sans fumer des pétards, gros. Et au quartier, on a tous connu la misère. Sur ta famille du ghetto, le tour sur les ZX Tizer. Dans mon ghetto, du terre terre, j'ai visé la lune. Ghetto. Quand t'as pas de thune, ghetto. N'attends pas qu'on donne de l'aide, faut aller au charbon. C'est barbuck, le ghetto à la plage près du warm-up. Allongé sous le sable avec mes sales thugs. Chaise, table, relax comme au bled mec. Les petits font les fous à faire des roulades et des plongées de tête. Y'a pas de grillade, pas grave, on prend un chariot. Le coupe en deux, ensuite on met des pierres, on fait ça comme on peut. Ça bouffe réel, tu parles, j't'ai vu. On moque de ça, sont des vannes devant les vagues. On oublie qu'on est malheureux. Voir nos enfants courir dans le sable, t'as vu comment c'est beau. Comme ce bleu qui nous entoure, vas-y, passe pas du feu. Qu'est-ce que tu regardes, putain? Là, les fesses à Lopez, elle. Hashtag, faut pas que tu viennes, j'ai son machin qui se lève. Bref, une partie de ballon qui s'improvise sur le beach, mec. Se la fête, ça fait des pompes pour sortir les pecs, pecs. Le marabout des plages, des bars pour vendre ses gourmettes. Bienvenue dans le sud, bienvenue dans mon ghetto. Du terre terre, j'ai visé la lune. Ghetto. Mais comment faire quand t'as pas de thune? Ghetto. N'attends pas qu'on donne de l'aide, faut aller au charbon. Je l'aime, malgré ses vices et tous ses problèmes. Et oui, je l'aime, qu'on m'a oublié d'où l'on vient. Ma ville, je l'aime, malgré ses vices et tous ses problèmes. Et oui, je l'aime, qu'on m'a oublié d'où l'on vient. Dans mon ghetto, du terre terre, j'ai visé la lune. Ghetto. Mais comment faire quand t'as pas de thune?